Moi je te casse, tout à l'heure moi je me casse, tu vas te casser pour de bon toi. Eh, c'est pas moi, viens, c'est pas moi, c'est l'autre fou là. Alors septième question. Comment devient-on? Oh, tu t'écrases! Manu! Manu, s'il te plaît, tu commences à me les calmer parce qu'il reste un quart d'heure d'émission. Donc, je voudrais que le dernier. Ok, je commence à les calmer, je finis quand aussi? Non, mais continuons le débat. Septième question. Non, mais attends, Olivier, tu t'amuses pas à me balancer. C'est la fête de la musique, d'accord? Je balance. On en a rien à foutre.